Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une bonne comédie française. Philippe Le Talec, brillant scientifique vivant aux États-Unis depuis 15 ans, décide de rentrer en France s'occuper de sa fille Églantine. Il espère profiter de cette occasion pour tisser des liens avec cette jeune fille et rattraper le temps perdu. Mais elle a bien d'autres préoccupations que de passer du temps avec son père. Tu te fous moi ? Tu sors pas comme ça ? Quoi, je sors pas comment ? Ça fait quand même un peu... Pute ! C'est toi qui l'as dit, hein. T'as vu comment t'es sapé, toi, avec ton pantalon, Jacques Chirac ? Oh, sois pas bête, elle a pas encore de petits copains. Je te rappelle qu'à son âge, t'essayais de te choper à Amélie Brodeur derrière le gymnase. C'est pas comparable, les filles sont très différentes des garçons, elles sont plus timides. Vincent ne doit pas s'approcher des Églantine ce soir. Putain ! Mais t'es un malade ? Tu sais, avec un ado, il y a certains fondamentaux à maîtriser. Il suffit de les connaître. D'ailleurs, j'aimerais vraiment que tu repenses à mon stage. T'as kiffé ta teuf de samedi dernier ? Monsieur, moi je sais, c'est trop pas. Oui ! D'ailleurs. Tout de suite, nous avons Noémie, 15 ans, qui nous posait une question trop mignonne. Bah moi, je voulais savoir si on avait des chances de tomber enceinte quand on avalait du sperme. 15 ans et demi, avec Daniel Auteuil, une comédie de Thomas Soriot, un DVD Gaumont Columbia Tristar.